Un sentiment qui est dirigé envers soi-même. Le sentiment qui nous donne à nous apitoyer sur nous-mêmes. Lorsqu'un homme s'apitoie sur lui-même, il prend du sentiment qui ne lui appartient pas, qui appartient à quelqu'un qu'il aurait dû aimer, et se le transfère à lui-même pour s'aimer plus, parce qu'il est seul dans son expérience d'amour. Il ne peut pas la partager avec un autre. Autrement dit, une personne qui s'apitoie sur elle-même, c'est une personne qui est incapable, plus ou moins, d'aimer. Watchez-la bien, celle-là. Est subtile. Une personne qui s'apitoie sur elle-même est incapable proportionnellement d'aimer. Pourquoi? Parce que quand on dirige vers soi un sentiment, on est obligé d'oublier les autres. Et c'est dans ce mécanisme-là qu'on perd de vue les autres, même si c'est temporairement. Et si ça va très loin, on peut réellement les oublier. Et là où beaucoup de gens ont tendance à s'apitoyer sur eux-mêmes, c'est dans la maladie. Aussitôt qu'ils sont malades, ils créent un drame autour de leur personne, visant à aller chercher dans d'autres personnes autour d'eux de l'attention, de l'affection, ainsi de suite. Et ceci comporte deux dangers. C'est que ça les empêche de développer la volonté dans la maladie et de développer l'intelligence de leur maladie. Parce qu'un homme qui est dans la maladie doit développer la volonté et l'intelligence de sa maladie. Et plus il est dans son intelligence, plus il est dans son esprit, plus l'esprit pourra guérir son mal. Mais seulement s'il est dans l'intelligence de sa maladie et s'il est dans la volonté de sa maladie. S'il va chercher et se créer du sentiment envers lui-même, il ne pourra pas avoir recours à son esprit. Il n'aura recours qu'à l'énergie de l'âme. Il n'aura recours qu'à l'énergie des autres. Et ces énergies-là sont impuissantes à le guérir. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas se guérir lui-même. Un homme qui serait dans son esprit et qui serait malade pour des raisons d'ajustement des corps, parce que la maladie, ça revient toujours à ça, se verrait dire par son intelligence qu'il n'est pas malade, que l'esprit est simplement en train de faire un certain travail. Et automatiquement, il ne serait pas enclin à se ouinter de sentiments venant des autres ou arraché aux autres. Et ainsi, pourrait continuer à développer sa volonté. Dans la magie. Le sentiment, c'est une porte close contre l'intelligence. De deux façons. C'est une porte close de la première façon, dans ce sens que le sentiment obstrue le mental. Et il peut obstruer le mental à un tel point que l'esprit de l'homme est incapable de communiquer avec l'ego. Et deuxièmement, le sentiment corrompt le corps astral de l'homme à un tel point que son corps émotionnel s'affaiblit dans le sentiment. Aussitôt que l'homme vit du sentiment, il affaiblit son corps astral. Et affaiblissant son corps astral, rend ce dernier de plus en plus assujetti à des forces qui sont parallèles en vibration avec ce corps-là. Alors, le sentiment devient un danger pour l'homme. Et regardez les gens qui ont eu des expériences difficiles, qui ont eu des expériences dont ils n'ont pas compris la nature, et vous verrez que ces gens-là, souvent, ont vécu des dépressions. Et que dans le cadre de l'expérience de dépression, contact astral s'est fait, développement d'une sorte de psychisme intérieur s'est développé, et éventuellement, la folie a suivi. C'est très dangereux, le sentiment. Mais je vous parle de ça universellement. J'essaie de toucher différents points pour vous donner des points de référence qui sont indiscutables, mais dont vous reconnaîtrez un jour l'indiscutabilité. Le sentiment, c'est une drogue puissante qui affaiblit dans l'homme la teneur en hydrogène. Et l'hydrogène chez l'homme, c'est extrêmement important. C'est un élément très, très éthéré. Et cet élément éthéré représente la fondation de la constitution atomique et automatiquement représente la fondation de l'organisation de la conscience atomique humaine. C'est un homme qui a trop de sentiments perd de l'hydrogène, et parce qu'il perd de l'hydrogène, éventuellement, il est obligé de se constituer d'autres vapeurs pour contrebalancer la perte de cet élément éthéré très important. Et c'est pourquoi, éventuellement, il commence à perdre de la vitalité. Et la perte de vitalité se manifeste de toutes les façons dans sa vie. L'homme est un être composé chimiquement, il est un être composé électromagnétiquement, il est composé là. Et il ne peut pas se permettre dans la vie, à cause de certaines notions de vie, à cause de certaines expériences, tel le sentiment de se détruire cycliquement, c'est-à-dire de vivre la mort. Regardez ce qui se produit quand un homme, quand une femme ou un homme meurt et qu'il laisse ou qu'elle laisse derrière elle ou lui un être cher. C'est pas long après que l'autre crève. Le sentiment. Vos parents sont morts, votre mère est morte quelques mois après, quelques années après, le pays qui part. Ils sont pas capables de subir le choc de la séparation. Ils se couchent le soir et ils pensent, puis ils voient. Le bonhomme, il revient, il est devant le lit, toute la balance. Ça rêve. Alors, il se passe un processus, il se fait un processus de succion entre le mortel et le décédé, et éventuellement, le mortel retourne dans le monde des décédés. C'est mortel, le sentiment. Mais il y a un phénomène intéressant dans le sentiment. Quand on le tue dans l'œuf, quand on tue le sentiment dans l'œuf, c'est tellement fort le sentiment que quand on le tue dans l'œuf, on a presque l'impression du doute de notre action. On a presque. Presque. Faut être bien mental, puis bien des fois mental pour être froid dans le sentiment. Moi, j'aime bien les animaux. Bien les animaux. J'ai croisé un chat avec mon char. J'ai vécu des cris durant l'initiation. Parce que je passais sur la route et j'ai croisé des petits animaux. J'en pleurais. Je me rappelle, j'ai frappé un petit chevreuil au Texas. Au début de mon initiation. Vous pleurez jamais dans vos humains. L'amour. Le sentiment. Puis après des années de souffrance, puis la réalisation que tu es à telle place, dans tel temps, pour telle raison, tout est bien calculé, là, après des années, là, J'ai développé suffisamment de résistance aux sentiments. Puis un jour, quand je souffrais bien gros, là, quand je souffrais bien gros, puis je disais, quand même, je frapperais un Christ de chat qui mange de la mort! C'est de ta faute! Je parlais de même. Fait que si je frappe un chat, Charlie, arrange-toi pour qu'il soit à côté, parce que moi, je vais même pas grouiller mon char sur la route. S'il est là dans le chemin, moi, je continue mon chemin. Fait que si arrange-toi pour que moi, je pèse pas aussi vite sur le gaz pour qu'on se rencontre pas. Parce que si on se rencontre, qui mange de la barbe, toi aussi. Là, c'est la colère. La destruction du sentiment. Puis un jour, ils m'ont fait frapper un chat. J'ai dit, qui mange de la barbe? Puis là, je continue. Puis j'ai jamais frappé de chat après ça. Ils ont tué en moi le sentiment. Ça a pris des années. Parce que moi, je suis bien plus dur contre les hommes que contre les animaux. Parce que les hommes, ils sont des têtes de cochon. Fait que les hommes, faut que tu travailles, que tu travailles, que tu travailles, parce qu'ils ont de l'amour, tu t'orgueilles, les hommes. Correct, les hommes. Un homme meurt, moi, ça me fait rien. Mais un animal qui meurt, là, ça me fait quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas de défense contre l'homme, les animaux. L'homme, il meurt, c'est son karma. C'est sa pilule. L'animal, c'est une pilule qu'on lui donne. Fait que c'était tough. Mais, je l'ai compris, ça. Je l'ai compris, ça. Ça m'a pris des années pour en arriver à ça. Fait que c'est très fort le sentiment. C'est pas tellement envers les hommes. Envers les hommes, je suis capable d'être bien froid. Mais les animaux, j'ai un maudit point faible. Là, je l'ai plus. Mais je l'ai eu longtemps en maudit. Quand tu dis que tu vas être truite, Charlie, tu sors le poisson de l'eau et tu pleures comme un enfant de 2 ans, comme un niaiseux, là. J'ai cassé la gueule à un arabe une journée parce qu'il lançait des briques à un homme. J'ai cassé la gueule, t'as pas initié en ce temps-là, ma sentimentalité. J'ai fourré un coup de poing sur la gueule. Il est tombé sur le cul. Lancer des briques à un homme. Le sacrement, je l'ai encore. Fait qu'après la fusion, c'est encore pire. Il n'aurait pas vu qu'il lance une brique à l'âne après la fusion. Là, je l'aurais briqué pour le vrai. Fait que c'est très dur. C'est très dur. Plus on est évolué, plus on est sensible aux sentiments. Et plus on est évolué, plus on doit les détruire dans l'œuf, les sentiments. Et ce qui arrive, c'est que plus on est évolué, plus on pense qu'on devrait les entretenir, les sentiments. C'est subtil. Bien subtil. Prends-en pour ton rhume, toi. C'est ce qu'on parle. Un homme ne peut pas être libre tant qu'il n'a pas tué le sentiment. Puis ça ne veut pas dire que quand tu te tues le sentiment, que tu n'es pas un être humain convenable, que tu n'es pas un être humain, mais chaleureux. Moi, je suis un être humain extrêmement chaleureux. Mais j'ai pas de sentiment. Ma petite fille, elle meurt le même matin, Charlie. Je sais ce qui se passe. Bonjour, bye bye. C'est final. On va pas me tourner en quatre sites. Puis viens me faire vampiriser pareil de l'autre bord. Non. Mais c'est dans notre expérience qu'on comprend ça. Moi, je vous en parle. Je vous trace des tableaux cosmiques, mais c'est dans l'expérience que vous comprendrez ça. Parce que l'expérience brûle le sentiment. L'expérience l'anéantit, le sentiment. C'est inouï ce que ça crée sur la Terre, cette patente-là. Vous vous demandez pourquoi des peuples comme les Arabes, puis les Italiens, puis les Irlandais, les vieilles nations, là, pourquoi est-ce qu'ils sont pas capables de sortir de leur trou individuellement? Ils peuvent pas. Il y a bien trop de sentiments. La petite fille en Arabie, au Maroc, là, qui est arrivée ici, là, puis elle voulait se marier. Son frère, il venait à chercher, puis il l'a ramené chez eux. Vous rappelez? L'an passé, là, 2 ans? Hey. C'est fort, le sentiment. C'est le ciment des familles. Au Maroc, il y a quelques années, si tu rencontres un pays, tu regardes la croche, il te coupe les couilles. Il y a des Américains qui sont stériles, genre. Très puissant sentiment. C'est le sentiment qui a construit, qui a été le ciment de la civilisation. Des cultures, des races, des guerres. Les guerres de religion comme des guerres politiques, c'est tout le sentiment. C'est inouï, le sentiment. Un homme qui se servirait du sentiment et qui suivrait le fil du sentiment dans l'évolution et dans l'histoire de l'humanité pourrait expliquer tous les maux de l'homme. Pas besoin de chercher des grandes réponses philosophiques. Par l'étude du sentiment. Napoléon, Joséphine, Hitler, Eva, Evita, Perón. Sentiment, le grand sentiment, la grande passion politique. Quelque chose. C'est inouï. Et dans notre expérience personnelle, on ne le réalise pas, on le vit à une petite échelle. Parce qu'on n'est pas des millionnaires, des milliardaires, des politiciens, des brasseurs de grosses guenilles. Mais, que ce soit à petite échelle ou à haute échelle, le sentiment patriotique, qu'est-ce qui fait un soldat en guerre? Imagine-toi que le gouvernement dit un jour, moi, dans la guerre. Chris, il n'est pas réveillé à pauvre. La guerre. C'est inouï. C'est tellement puissant le sentiment. Là, je vous explique mon expérience. C'est tellement puissant, c'est tellement présent énergétiquement le sentiment en tant que forme dans l'esprit de l'homme que quand t'en as plus de ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'es constamment et d'une façon permanente dans l'intelligence. Tu peux pas en sortir. Tu peux pas en sortir. Tu ne peux pas être en dehors de l'intelligence quand t'as plus de sentiment. C'est toujours là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. 24 heures par jour. Sur n'importe quel plan. T'es tout le temps dedans. C'est le sentiment qui nous coupe de ça. Ils disent que le sentiment, c'est le voile de la mort. Le voile de la mort. Et là où on doit le neutraliser, c'est dans notre vie de tous les jours. Surtout avec nos enfants, surtout avec nos femmes, nos maris, nos belles-mères, les gens qu'on aime. Après ça, c'est moins dur à neutraliser quand tu rentres dans la société. Mais dans le proche, là, les liens raciaux, c'est là. C'est là qu'il faut qu'on neutralise. C'est là que c'est le plus tough. Je vous dis pas de partir en guerre demain matin. Je vous explique quelque chose. Sans ça, vous allez faire des maudites gaffes. Vous n'êtes pas guéri encore pour le neutraliser, le sentiment. Parce que la neutralisation du sentiment, c'est ça, et ça sera toujours proportionnel à votre volonté et votre intelligence. Fait qu'à ce moment-là, vous allez faire des gaffes monumentales. L'intelligence de l'esprit, c'est une intelligence qui est parfaite. Il ne faut pas faire de gaffes. Il y a bien des années, j'avais un petit appartement. Puis ma mère revenait à la maison. J'étais nouvellement marié. Ma mère revenait à la maison. Puis, elle, dans son idée, l'appartement de son gars, c'est lui qui paye le loyer, c'est l'appartement de son gars. Je peux rentrer quand je veux. Fait qu'en rentrant dans l'appartement, N'importe quelle heure, relâchez nous, pour tueur là ou non. Ça créait bien des tensions à ma femme. La femme me disait, elle peut cogner, s'annoncer, téléphoner, faire quelque chose, mais pas rentrer comme un bulldozer dans l'appartement, parce que c'est toi qui payes l'appartement. Moi, je disais rien. Mais la pression a grandissé dans mon femme. La pression a monté, par monté. Puis j'ai dit à ma mère un jour, j'ai dit, un jour, tu vas venir à l'appartement sans sonner, sans prendre ma femme en considération, puis elle va te crisser dehors. T'es son ch'ton, j'suis ta mère, pis t'es mon fils, pis c'est toi qui paye l'appartement, papa, je rentrerai quand je voudrais. OK. Mais j'ai dit, je te le dis, maman, un jour tu vas venir, pis elle va te crisser dehors. J'ai dit, il faut qu'elle l'accroche, la bonne femme, un jour. Pis un jour, ma mère arrive à l'appartement, puis il y a un type qui rouvre la porte en bas, puis ça lui donne une défaite pour rentrer, puis elle rentre dans l'appartement. Et c'est final. Ma femme, elle a pris la carrosse de la petite, tu sais, les carrosses, les petites tabelles, là. D'abord, là, elle t'a guéri. Là, la vibration, elle a passé dans le tunnel, là. Là, elle a pris la carrosse du haut de ses bras, elle a crissé le carrosse à terre, elle l'a défoncé en miettes. Je pense qu'une hache, elle a pris les capteurs. Là, elle a pris ma main, puis elle l'a crissé dans la chambre, là, puis elle l'a pogné par les épaules, puis elle a dit, colle! C'est fini, ça! Wow! Ma mère est jamais revenue. Jamais. Elle l'a tué bien. C'est fini. Elle est jamais revenue à la maison. J'ai dit, je te l'avais dit. J'ai dit, un jour, tu vas venir à la maison, elle va te crisser dehors. Elle t'a crissé dehors. Puis encore, elle va dire, elle continue encore. Ma mère, elle n'a jamais remis les pieds chez nous depuis ce temps-là. Même pas une fois. Puis laissez-moi vous dire qu'elle s'est laissée. Des détectives, pour savoir ce que je ferais. Pas toute la police. Tout bon. Moi, j'ai rentré dans un corps de femme extrêmement fort physiquement. Ma mère, elle a des nerfs assis. Je pense qu'elle pourrait tirer un train du sienneur. Elle n'est pas prête de mourir. Elle a... moi, j'ai une santé physique. Mais c'est pas un caractère, c'est pas un cadeau. J'ai pas une petite fille comme vous autres, mais des beaux parents, des parents intelligents, des parents sympathiques. Moi, j'ai écouté quand j'étais jeune. Fait que j'ai été obligé très, très, très jeune de couper. Quand j'ai dit, je m'en vais aux États-Unis à 14 ans, étudier aux États-Unis. Je partais avec ma petite valise, mon petit chapeau. Les études, en Amérique. Voilà. Si j'avais une main, tu sais, comme eux autres, comment est-ce qu'ils s'appellent? Comment ça s'appelle, toi? Manon Lescaut. Manon puis Gilles, tes parents. Standard. Moi, avoir une main de même, je pense que je l'aurais assis sur mon bureau. Je l'aurais nourri à petite cuillère. Sac. Non. Moi, je suis né à travailler d'un démon. Mais c'était nécessaire. Je sais ce qu'elle a fait. Elle a souffert à travers le monde. Mais si elle a fallu que je sois faible, finalement. Là, elle m'a rembarré. Puis elle pensait que ma femme, parce que ma femme est bien douce, puis bien fine, puis bien gentille, puis patiente, puis super patiente, puis impatiente encore, après avoir été patiente. Mais quand elle saute, Charlie, au-dessus de là, tout part. Quand elle passe à la vibration, c'est différent. Quand ils se rencontrent, là, la bonne femme a traversé la vie. Tant qu'elle a peur d'elle. On n'est jamais dérangé. Il y a des gens qui sont incurables dans la vie. Les parents, c'est pas tous des saints. Il y en a qui sont des saints, mais c'est pas tous des saints. Il est accouché avec mon père, elle écrissait des coups de pied. Elle donnait des coups de pied. Pousse-toi un peu! Pousse-toi un peu! Heureusement que mon père était un gentleman, parce qu'il l'a vraiment frappé. Il disait, Jane, I'll leave you one day. Va te laisser un jour, va te laisser un jour. Un jour, je le laisse. Pousse-toi un peu! C'est un scorpion. Elle a des cornes, elle a des cracks. Un nez pointu. Fantastique comme femme. Incroyable. Incroyable. Ma mère, c'est incroyable. Y en a-tu qui la connaissent? Je vous le souhaite pas. Gisèle la connaît. Incroyable. Plus scorpion que ça. Moi, j'étais un lion trip. Elle, c'est un scorpion trip. Incroyable. Mais elle a servi au passage. disent que je suis venu au monde dans une fournaise chaude. Et amen, absolument, amen. Je suis faim. Mais du sentiment pour être dans les... D'ailleurs, j'en ai pas. J'en ai pas. C'est-à-dire que j'en ai pas. À fusion, c'était fini. J'ai compris. Pourquoi est-ce qu'avant, j'en avais pas? Fait qu'avant, j'en avais pas, mais je souffrais de pas en avoir. Je disais, c'est peut-être sans cœur. Je partais d'un pays étranger, puis je disais, bon, je vais écrire une petite carte à mon maman. La carte, elle restait dans mon blazer. Elle partait jamais. Fait que, je me culpabilisais, je me disais, maudit que je suis sans cœur. Mais à fusion, j'ai compris. Le sentiment, c'est quelque chose. Fait qu'imagine-toi, quand tu peux avoir du sentiment pour une mère qui est aussi difficile de tempérament, imagine-toi quand tu as une mère qui a du bon sens. Ça, c'est votre cas. Fait que vous n'êtes pas sorti de la grange. Moi, ça m'a facilité l'expérience. Moi, avoir eu des parents comme les Robert, là, ça a retardé mon évolution. Ça a retardé mon évolution, moi. Je sais pas d'où ce qu'elle vient, elle, mais... Tu sais qu'il y en a-tu parmi nous autres qui ont eu des bons parents, tu sais, du bon monde? Y'a-tu d'autres? Je parle pas des parents nécessairement qui vous comprennent, mais je dis des bons parents, là. Ça, c'est tough à briser ça. Puis le pire, c'est qu'il ne faut pas le briser. Quand tu as des bons sentiments, dégage, des bons sentiments. Mais tu ne peux jamais être prisonnier des sentiments. Différence. Tu ne peux pas être prisonnier. Dégage dans le sens que tu es assez intelligent pour toujours voir le côté de l'autre. C'est comme ma femme, elle a une mère qui nous aime bien, si tu veux, on la visite de temps en temps, peut-être. Mais il n'y a pas de sentiment. Elle est contente, elle nous aime bien. Mais nous autres, tu sais, mais c'est fini, tu sais. Mais au moins, en attendant, bon, quand on en fout, ça lui fait plaisir. C'est fascinant, l'étude du sentiment. Je regroupe autour du sentiment toutes les souffrances de l'homme. Toutes les souffrances de l'homme. Je suis sûr que si je prenais individuellement et je disais, bon, qu'est-ce que c'est tes souffrances? Pourquoi cette rétention? Pourquoi ceci? Pourquoi de là? Je ramènerais tout ça à du sentiment. Tant que ça va loin. Ils disent que le sentiment, c'est la fille née de l'ignorance. Sentiment. On n'a pas d'idée. Puis sentiment, ça n'affecte pas rien que les affaires humaines, ça affecte même dans nos affaires. C'est une forme d'énergie, le sentiment. Tu sais, je parlais de la faillite l'autre fois, à l'autre conférence, je parlais de la faillite. Tu sais, quand t'es poigné à gauche, t'es plus capable d'aller plus loin, là. Ça, c'est de tuer le sentiment. T'en es déjà. Fais-moi un sentiment. Tu vas essayer d'étirer la situation. Moi, là, si je pouvais vous exprimer ou vous dire que les moments les moments dans ma vie où mes vibrations ont le plus changé sont les moments où j'ai dépassé le sentiment. C'est là, là qu'il y a un changement vibratoire, puis un changement vibratoire, puis un changement vibratoire, puis un changement vibratoire, qui a ajusté constamment mon mental, puis mon mental, puis mon mental, puis mon mental, puis mon mental. Quand j'ai pris ma petite fille, moi qui était grande comme ça, 3 semaines, j'ai crissé une volée là, pour changer les vibrations en passant. Tu peux voir des sentiments? Parce que quand tu es capable de tuer le sentiment et vivre dans l'intelligence pure, tu fais des choses qui ne sont pas conventionnelles, mais qui produisent des maudits résultats. Des résultats extraordinaires. C'est le pouvoir de l'esprit. Les sentiments nous empêchent ça. Ma femme a vibré un petit peu. Ma femme a vibré un petit peu. J'ai dit, ils disent que c'est nécessaire pour établir un lien entre son corps astral et le mien. C'est nécessaire. C'est une connexion télépathique. J'ai dit, demandeur. Il m'a répondu. Mais c'est tough pour elle-même d'avoir la paix qui approche un petit bébé dans le même qui n'a rien fait. Mais on est lié, cimenté à des sentiments, consciemment et inconsciemment. C'est dans l'expérience qu'on le réalise. Parce que ces choses-là sont toujours enfouies en dessous. C'est quand que l'événement vient qu'on réalise qu'on a du sentiment. C'est toujours quand l'événement vient. Il y a des gens, des fois, ils vont me dire, « Oh, je n'ai pas d'émotivité, moi. Yes. » Il n'y a pas d'émotivité. Je dis, t'as pas d'émotivité là parce que t'as pas de raison. C'est comme le gars un jour qui a dit, qu'est-ce que c'est un choc? J'ai pris mon chocolat chaud, j'avais du chocolat chaud, j'ai sacré dans la face. J'ai dit, c'est ça un choc. T'as vibré en dedans, ici, là? Tu voudrais sauter sur moi? Hein? C'est ça le choc. Il a compris. Il me l'a fait me redemander. Si j'avais passé par les mots, ça aurait pris des années à comprendre. Sentiment, c'est la même chose. C'est dans l'expérience qu'on sait qu'est-ce que c'est. Qu'on voit, qu'on a envoyé la tête, là. Hein? Et plus vous saurez vous libérer du sentiment dans votre vie, plus vous serez heureux. Dans ce sens que moins vous n'attirerez à vous d'énergie inférieure, astrale. Plus vous vivrez dans l'énergie mentale, puis l'énergie mentale, puis l'énergie mentale, puis l'énergie mentale, puis l'énergie mentale. C'est ça que je dis, plus vous serez heureux, parce que dans l'énergie mentale, il n'y a pas de sentiment. Fait que si tu n'as pas de sentiment, t'es bien. Parce que le sentiment, ça crée toujours de la tristesse. T'as une souffrance, un sentiment. C'est polarisé, le sentiment. Ton nounou, tu l'aimes un jour, puis le lendemain, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Il fait qu'il y a toujours. Fait qu'on vit toujours entre un plus et un moins. On n'est jamais neutre. Puis je vous assure qu'un jour, vous serez sûr d'être sûr de ce que je vous dis. En tout cas, certains parmi vous. Vous avancerez graduellement vers ça. C'est pas facile. Toi, tu donnes un exemple à comprendre. Si tu comprends ça, tu vas être correct. Si tu comprends pas ça, tu vas te traîner la patte, puis tu vas te traîner la langue dans ton expérience sentimentale. Puis tu vas récolter seulement une chose, la tristesse plus souvent. Il y a plein d'hommes sur la terre qui pourraient travailler vous autres comme moi. Quand je vous pointe, prenez-les comme je vous le dis, puis regardez-les bien clair. Parce que il n'y a pas comme il n'y a pas d'intelligence dans le sentiment, aussitôt qu'on le vit, on le vit en dehors de notre intelligence. Si on le vit en dehors de notre intelligence, on souffre de notre ignorance. C'est un cercle vicieux. Quand même qu'on regarde de n'importe quel côté, on est toujours les perdants. Tout le temps. Tout le temps les perdants. Puis dans le monde de la mort, parce que c'est important de comprendre le monde de la mort et les activités dans ces plans-là, ces êtres-là, ces entités-là, se servent de ça constamment, constamment, constamment, constamment, constamment. On est des êtres multidimensionnels, les hommes. On n'est pas avec une carcasse physique. On a des plans invisibles qui sont en communication vibratoire et télépathique avec des plans invisibles. Là, le seul à qui je parlais hier, là, quand j'ai fini à parler, puis il était fatigué, parce que c'est fatigant, alors, toujours redemander dans sa tête, dans ce mode de communication-là que je fais avec elle. Puis elle disait, là, je suis bien fatigué. J'ai dit, continue encore 3 minutes. Es-tu capable de continuer 3 minutes, là? Elle dit oui. Elle dit, je suis bien, bien fatigué. Finalement, elle a continué 3 minutes. Puis quand ça a été fini, là, elle sentait assez bien. Elle sentait bien. Mais il y en a combien de gens dans le monde qui vivent des expériences semblables pendant des mois, des années? Un jour, vous serez obligés, les gens qui se conscientiseront, les gens qui, un jour, verront l'ouverture du troisième œil, les gens qui, un jour, commenceront à voir dans les visites, ces gens-là n'auront plus. Ils pourront plus avoir de sentiments. Tu ne peux pas avoir de sentiments et arriver à des états de conscience pareils. C'est pour ça que c'est important pour vous autres de bien comprendre vos sentiments dans votre vie de tous les jours. De bien les comprendre, de bien les voir. Et d'apprendre lentement à aller au-delà de vos sentiments. C'est votre liberté qui est en jeu. C'est votre liberté. L'instruction que je vous donne, moi, l'instruction que je vous donne dans un petit coin de la terre, c'est pas un exercice en futilité. Le sentiment, c'est une condition karmique de l'homme. Tu rencontres quelqu'un dans ta vie, c'est pas pour rien que tu rencontres quelqu'un dans ta vie. Quand tu réalises que tu rencontres quelqu'un dans ta vie, puis il y a une raison pour ça, c'est tout lié à ça. C'est karmique, le sentiment. Ça établit des liens karmiques, le sentiment. Il y a des gens qui se tuent par amour passionnel. Les liens karmiques sont tellement forts. Ils ne sont pas capables de les briser. Le sentiment, c'est la magie du monde de la mort sur le monde de la vie matérielle. C'est de la magie. C'est l'interpénétration astrale avec l'homme. C'est une boisson vivante. C'est une boisson vivante. On vit de ça. On se nourrit de ça. On la boit, cette boisson, à tous les jours. Puis pour nous autres, on la considère comme un élixir, quand à le fond, c'est un poison. On n'a jamais été instruits, les hommes. On commence, les hommes, à être instruits. L'intelligence commence à descendre sur la terre. On n'a jamais été instruits. Fait qu'imagine-toi qu'on a vécu des expériences en fonction des sentiments, de toutes les sortes. Ils disent que les sentiments sont les couleurs du monde astral. Sentiments spirituels, les bas sentiments. Les sentiments sont les couleurs du plan astral, du monde de la mort. Les sentiments créent les formes dans le monde de la mort. Un meurtrier qui a tué, qui s'en va sur les plans inférieurs de l'astral, reconstituera un environnement psychique qui est parallèle à ses sentiments humains. Un être qui est très sublime, qui est très spirituel, puis qui cherche Dieu, reconstruira des mondes sublimes qui sont parallèles à sa recherche et à son sentiment. Alors, le sentiment, c'est la matière qui crée le monde astral. Et le sentiment, c'est le canal à travers lequel le monde astral se déverse dans le monde de l'homme pour maintenir constamment et éternelle la loi de réincarnation et le cycle de la vie et de la mort. C'est inouï. Inouï. Et les hommes veulent un jour entrer en contact avec d'autres civilisations, des intelligences purement mentales, qui n'ont aucun sentiment. L'homme est mieux de se préparer. C'est ça qu'ils ne viennent pas. On deviendrait des vrais yo-yo, d'eux autres. On ferait d'eux autres des dieux, ces êtres-là. Ils sont bien trop évolués pour ça. On ferait d'eux autres des dieux, comme les Indiens ont fait. À cause de nos sentiments spirituels. Regardez n'importe quelle facette de l'expérience humaine, vous trouverez liée à cette facette des sentiments à quelqu'un. N'importe quel, n'importe quel, n'importe quel. Vos jobs, dans vos jobs, il y a du sentiment. Un homme aime ça faire, travailler dans le génie parce que il a le sentiment d'être intelligent. Un homme aime ça dans, aime être dans le monastère ou dans le mysticisme ou dans l'église parce qu'il a le sentiment spirituel. Un homme est un avocat parce qu'il a le sentiment de la justice. Un homme est vendeur de toilettes parce qu'il a peut-être le sentiment pragmatique de la valeur sociale de l'objet. On a des sentiments de toutes les sortes. Les gens cherchent une nouvelle psychologie sur la Terre, étudient le sentiment et vous aurez la psychologie de toute conversion des facultés humaines, mentales, émotionnelles en activité humaine, sociale. Allez pas loin pour chercher une psychologie. La psychologie humaine aujourd'hui, c'est l'explication sentimentale du comportement humain. N'importe quoi. Je vous défie de me donner une activité humaine qui n'est pas liée au sentiment. Alors, si tu es un juge qui a un grand sentiment de justice, un grand sens de justice, il va être un bon juge. Le sentiment détermine les coordonnées positives et négatives de la hiérarchie karmique de l'humanité. Le sentiment détermine si un homme va être bon sur la terre ou s'il va être mauvais. C'est plus l'intelligence. C'est le sentiment, monsieur. Fait que s'il est déterminé d'être bon sur la terre par sentiment, il est foutu. Il va toujours être bon. C'est ça qui arrive avec les gens spirituels. Puis c'est pour ça que les gens spirituels sont les premiers sur la terre à se faire manger à une suite. Ils sont tout le temps bons. Tu peux pas tout le temps être bon. Un jour, tu te fais donner une claque, faut que tu la rends. Faut que tu la sors. Je voudrais bien que quelqu'un me donne une claque. Faut que je la sors. Mais s'il est du sentiment final, il m'a donné l'autre jus.